Bella mano vi stringo e voglio cigna per dolor stringete e mi chiamate ingiusto ed inumano come tutto il gioiere sia mio vostro il martire. Che se questa è la mano che ten stretto il cor mio, giusto il dolore, perché stringendo lei, perché stringendo lei, stringo il mio cuore. L'ensemble Scherzi Musicali de Nicolas Acten avec la soprano Weilian Wong. Nicolas qui chante et qui joue du théorbe, François Dambois, théorbe guitare, et puis Liz Wirth au Lyrone. Et parmi les concerts à venir de l'ensemble, le 3 avril au Grand Manège de Namur, et puis le 2 juillet au Fête Baroque de Sauternes, et il y aura aussi le 28 juillet à Genève. Alors, première question. Bon, en fait, j'ai envie de retourner en coulisses. Vous ne voulez pas nous faire tout le disque, Nicolas Acten, parce que vraiment, c'est une merveille que ce disque du label Rich Aircar. On parle toujours, alors on le sait, hein, mais il faut le redire toujours, on dit toujours que Monteverdi est l'inventeur de l'opéra, du style baroque, de la monodie accompagnée. Mais en fait, Caccini, c'est ça que vous nous montrez avec cet enregistrement, avait déjà posé quelques jalons de la modernité musicale avant lui. Oui, alors c'est toujours, on est toujours tenté d'imaginer l'histoire de la musique comme étant des grandes ruptures, mais tout est question de glissement plutôt. Et dans le cas de l'opéra, il y a en effet tout ce rapport au texte, toute cette inspiration du théâtre antique qui va se traduire dans la musique, avec au départ les membres de la Camerata Bardi à Florence, dont Caccini était l'un des plus actifs aux côtés de Jacopo Peri. Et bien entendu, Caccini et Peri ont tous les deux mis en musique le premier opéra avec l'Euridice, deux versions qui sont concurrentes, donc c'est très intéressant pour nous de voir le même texte mis en musique par deux compositeurs qui ont le même idéal, mais qui le servent avec des moyens différents. Et on s'était penché sur l'Euridice et l'Euridice de Caccini, c'était d'ailleurs l'objet de notre premier enregistrement en 2009, donc ça commence à remonter, 2008 même, oui 2008. Et Caccini est un auteur qui nous accompagne en tant qu'ensemble et qui moi m'accompagne en tant qu'artiste, notamment par le fait que je chante et m'accompagne. Et donc Caccini fait partie intégrante de notre vie. Il fallait qu'on y retourne. Et c'est pour cela que ce double album consacré plutôt au madrigo de Giulio Caccini, mais également ses deux filles, dont la musique est extrêmement intéressante. Surtout Francesca, hein. Oh, pour moi, cette Timia est loin d'être inintéressante. On a beaucoup moins de matière. J'ai pas dit ça. Hein. Mais non, cette Timia est capable quand même de surprises. Malheureusement, dans la sélection d'aujourd'hui, on n'a pas de cette Timia. Ah non, le but, c'est de donner envie aux gens de se procurer et d'aller écouter le disque. Vous parlez de cette Euridice. En fait, Caccini, il avait quand même un peu... Il avait pris de vitesse son collègue Jacopo Peri. Il a fait éditer un peu plus vite, non? Oui, alors c'est peut-être une lecture de l'histoire, parce que très probablement ce qui s'est passé, c'est que le spectacle joué pour le mariage de Marie de Médicis et Henri de Navarre était une combinaison de la musique de Peri et celle de Caccini. Donc pas non plus la version imprimée par Peri. Et le spectacle joué pour les noces était en fait un spectacle, je ne vais pas dire secondaire, mais c'était un petit spectacle en petit comité, le spectacle principal étant le Rapimento di Cefalo, dont on enregistrait d'ailleurs le final, la seule musique qui reste, de Caccini. Et donc le gros spectacle était Caccini, et Caccini était le compositeur, entre guillemets, le plus important à ce moment-là à Florence. Et Henri IV avait été fasciné d'ailleurs, hein, il faut préciser, pour la fille, pour Francesca Caccini. Il avait même demandé l'autorisation aux Médicis de la garder auprès de lui, voilà. À la cour de France, et puis les Médicis ont dit elle nous appartient, elle reste en Italie. Je voudrais qu'on parle un peu plus avant de ce qui se passe avec cette musique dans l'histoire de la musique. On passe de la Renaissance au baroque. Et c'est une histoire, vous l'avez suggéré un petit peu, platonicienne. C'est-à-dire qu'à ce moment de l'histoire de la musique, on se dit que peut-être il faut revenir au texte. Complètement. C'est, les membres de cette Camerata Bardi trouvaient qu'il y avait trop d'incohérences, de vraisemblances, mais aussi de possibilités d'expressivité. Parce que quand cinq personnes disent ensemble qu'elles sont amoureuses de la même personne, forcément, il y a un petit problème. C'est du polyamour, ça, c'est en polyamour. 2025, voilà. Nicolas Acten. Et en plus de ça, les imitations musicales désynchronisaient le texte, ça devenait incompréhensible. Donc revenir à un modèle où on a un chanteur qui chante avec une musique qui va épouser la déclamation, accompagnée d'un instrument qu'il joue lui-même dans le meilleur des cas, c'est exactement ce qu'on sait que faisaient les anciens. Maintenant, le type de musique, bien entendu, n'est pas identique. Mais vraiment, c'est cette idée de parler en musique. Hein. C'est une sorte de recital cantando, c'est-à-dire que c'est la musique, à ce moment-là de l'histoire, qui doit épouser les inflexions naturelles de la langue parlée en réalité. Exactement. Avec, en plus, le problème du compositeur qui doit noter ça de la manière la plus fiable possible. Et la notation, bien sûr, est très rigide, à ses limites. Et Caccini, on a beaucoup de chance pour cela, nous a laissé de longues préfaces, de longs textes dans lesquels il écrit ce qu'il recherche en tant qu'auteur et qu'artiste. Et il parle de cette sprezzatura, cette espèce de nonchalance, mot difficile à traduire. Mais en tout cas, c'est une manière de prendre distance par rapport à la notation trop rigide du texte musical pour le rapprocher le plus possible du rythme naturel de la déclamation. Et ça, c'est absolument passionnant, c'est ce qui se passe dans cette musique. Dans cette époque foisonnante, il y a aussi les instruments qui évoluent énormément. Alors, c'est quoi les inventions majeures de ce début du XVIIe siècle italien ? Alors, il y en a beaucoup, et vu qu'on est venu en Thalys, on a dû un tout petit peu limiter nos bagages. Sur le disque, hein, vous êtes beaucoup plus nombreux. Hein. Sur le disque, pour 5 instrumentistes, on a 30 instruments. D'ailleurs, il y a une page sur notre site internet qui reprend tous les instruments que vous pouvez voir en détail, entendre en détail un à un. Donc, les instruments de la Renaissance, au départ, le luth, par exemple, qui est un instrument extrêmement important, va être petit à petit agrandi. D'abord, les luths contrebasses qu'on va avec les cordes les plus aiguës possibles en fonction de la taille pour donner le plus de brillance et le plus de clarté dans les basses. Mais d'autres instruments vont être aussi inventés, comme le lyrone que j'ai à côté de moi, vraiment pour accompagner le chant. Et puis il y a une deuxième génération d'instruments, à peu près 10-15 ans, dans les 10-15 ans qui vont suivre, on va essayer d'étendre encore plus l'ambitus des instruments et optimiser ces instruments. Et ce que j'ai ici, le chitarrone ou théorbe, qui sont de parfaits synonymes, est la deuxième génération avec un second manche qui prolonge les basses jusqu'à presque 2 mètres. Et qui est absolument gigantesque. D'ailleurs, j'avais du mal à vous interviewer avec ce chitarrone entre nous deux. Le lyrone que joue Liszt, un instrument aussi magnifique. On peut frotter plusieurs cordes à la fois, ce qui donne ce côté très chaud, très harmonique. Allez, on va réécouter, Nicolas, quelques extraits de ce disque magnifique. Torna de torna, pargoletto mio de Giulio Caccini. Dispiegate guance amate de Francesca, la fille. Et pour terminer, Odi euterpi il dolce canto de Giulio Caccini. Scherzi musicali de Nicolas Acten. Come here. Thank you. La musique de Giulio Caccini, Caccini, père et fille, Francesca et Giulio parlent ensemble, Scherzi Musicali de Nicolas Acten. Le disque est absolument génial, je le répète. Petit conseil d'écoute aux auditeurs de France Musique, s'il y a un air, vous n'avez pas le temps de tout écouter, écoutez vraiment la voix d'Isabelle Druet qui chante merveilleusement « Ecco che ho verso il sangue », c'est le Christ sur la croix, c'est magnifique, c'est mystique, c'est beau. Merci à vous d'être venus nous voir sur France Musique tous les quatre, c'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, les légendes du jazz de Jérôme Badini avec un concert de Milt Buckner et Big Joe Turner au studio de la Maison de la Radio à Paris en 71. La semaine prochaine, c'est le 8 mars, journée des droits des femmes. Alors on aura presque que des femmes musiciennes et compositrices. L'équipe du jour, c'était Pierre-Henri, Mathieu Béren, Mathieu Leroux, Dorian Barthaud et Laurent Tarot au plateau avec Nadège Antonini à la sono, Cédric Després, Édouard Roseau Lumière, Léo Duroy pour l'accord du piano, Pauline Normand à la tourne de page, Xavier Carrère a préparé cette émission réalisée par Sophie Pichon. Merci au public du Théâtre de l'Alliance Française. Très bonne fin de journée à tous à l'écoute de... Génération France Musique, le live, avec le soutien de la Fondation Nationale Banque Populaire, engagée aux côtés de la nouvelle génération de musiciens et compositeurs. France Musique, samedi à l'Opéra, à 20h, Judith Chen. Samedi, le Metropolitan Opera de New York célèbre le 150e anniversaire de la création de Carmen de Bizet en proposant l'interprétation de Roberto Alagna et Elina Garancia en 2010, dirigée par Yannick Nézet-Séguin. Branchez-vous. Samedi à l'Opéra, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France. Congrès ! Qu'est-ce que tu fais ici ? France Musique présente le film « Dans la cuisine des Nguyen ». Yvonne Nguyen, jeune femme d'origine vietnamienne, rêve d'une carrière dans la comédie musicale aux grandes dames de sa mère qui préférerait la voir reprendre son restaurant en banlieue. T'es complètement aveuglée parce que tu passes une audition pour un gros projet. Ils t'ont mise dans une case, Yvonne. Dans la cuisine des Nguyen, une comédie musicale de Stéphane Lee Kwang, au cinéma le 5 mars, un film France Musique, une chaîne du groupe Radio France. France Musique. Il est 18h et de la musique ancienne au jazz, il n'y a qu'un pas. Tout de suite, les légendes du jazz de Jérôme Badini. Les légendes du jazz, Jérôme Badini. France Musique. Bonsoir, vous aimez ce qui swing ? Alors bienvenue dans les légendes du jazz avec Milt Buckner et Big Joe Turner au studio 104 de la Maison de la Radio le 19 avril 1971. Le chanteur Big Joe Turner est une icône du blues, mais c'est aussi et surtout l'un des précurseurs du rock and roll. Dans les années 50, il a révolutionné la musique de danse avec de nombreuses chansons telles que Shake, Rattle and Roll, que nous pourrons d'ailleurs entendre en fin d'émission. Big Joe Turner, c'est un colosse, 1m88 pour 110 kg, mais un colosse capable de s'adapter avec la plus grande aisance à un trio de jazz constitué de trois sérieux clients. Il y a Milt Buckner, le pianiste que l'on connaît également comme organiste et à qui on attribue la paternité des block chords, cette technique qui consiste à plaquer un accord sous chaque note de la mélodie avec les deux mains qui jouent en parallèle. Son style a influencé de très nombreux pianistes et pas des moindres. On peut citer Red Garland, George Shearing, Bill Evans ou Oscar Peterson, rien que ça. Il y a aussi Slam Stewart, avec son jeu de contrebasse à l'archet et son chant simultané une octave plus haut. Ce fut l'acolyte facétieux de Slim Gaillard. Et notre troisième homme est une légende de la batterie jazz et du style swing, j'ai nommé Monsieur Joe Jones. Voici donc Milt Buckner, Slam Stewart et Joe Jones qui vont démarrer ce concert en trio avant d'être rejoints dans une bonne demi-heure par Big Joe Turner. Thank you very much. And I think we ought to play a little dirty, nasty blues for you. This is a blues entitled something about Villigan, ain't it? Feeling sort of Villigan. Thank you. Thank you. Gladys's dance. Thank you. Vous êtes bien dans les légendes du jazz sur France Musique et vous êtes au studio 104 de la Maison de la Radio en avril 1971 avec le pianiste Milt Buckner, le batteur Joe Jones et le contrebassiste Slam Stewart qui va maintenant être à l'honneur et de la plus belle des façons dans Stardust. Bum, dum, dum, dum, bum, yeah. This chord is a D minor chord. Ah, all right? Voila, yeah. Next chord, a G seventh. All right. Next card, one more. And A seventh. Oh, that's beautiful. Okay. That's beautiful. Yeah. Mel? Yeah. What do you know? I don't know nothing. How do you feel? Feel just fine. Okay? Okay. Oh, well. Yeah. Oh, never mind. Yeah. Thank you. Yeah, that sounds good. Yeah. Higher. Yeah. Higher. Higher. Higher. Go higher. You can go higher. Go higher? Yeah, go on up there. Eiffel Tower. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Higher. Higher. Higher. Higher. A little higher? A little higher. Go on higher. Go on. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Oh. Please forgive me for not making that high note. May we have better luck next time, yeah. With play fiddle, play fiddle, play. This is Graham Stewart. Oh, that's wonderful. That's wonderful. Now you've heard from Mr. Slam Stewart, you're going to hear from Mr. Joe Jones. Vous êtes toujours dans les légendes du jazz sur France Musique et toujours en avril 1971 au studio 104 de la Maison de la Radio avec Mel Buckner au piano, Slam Stewart à la contrebasse et Joe Jones à la batterie qui vont, comme prévu et surtout comme il se doit, accueillir Mr. Blues himself, le chanteur Big Joe Turner. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now we'd like to bring to you la pièce de résistance. Let's give a big round of applause to Mr. Blues himself, Big Joe Turner. Cotton field, honey hush, and money fuss. I said, coming it out, stop all that yakety yak. I said, coming it out, stop all that yakety yak. Hey, you make me my supper, don't want no talking back. Well, you keep a jabber, talk about this and that. Hey, yeah, you talk about this and that. I got news for you, baby, you ain't nothing but an alley cat. Honey, hush, turn off the waterworks, baby. Don't move me no more. Turn off the waterworks, baby. Don't move me no more. When I leave this time, I ain't coming back no more. Honey, hush, let's roll. You gotta die. Joe Turner, ladies and gentlemen. Big Joe. Maybe you got to do another one, huh? Huh? You got all night. You got all night, he said. You do it again. Yeah. What a trouble. Ain't it true? Well, get out of that bed. Wash your face and hands. Get out of that bed. Wash your face. Toot that lure. We'll be back shortly. C'est donc avec cette chanson emblématique, Shake, Rattle and Roll, que s'est achevée la première partie du concert que donnait le 19 avril 1971 au studio 104 de la Maison de la Radio, le chanteur Big Joe Turner avec Milt Buckner au piano, Slam Stewart à la contrebasse et Joe Jones à la batterie. On peut rappeler que ce Shake, Rattle and Roll, qui allait devenir l'un des hymnes du rock and roll, est signé Charles F. Calhoun, qui n'est autre que le pseudonyme de Jesse Stone. Et c'est Big Joe Turner qui en a enregistré la toute première version, très précisément le 15 février 1954, c'est-à-dire plusieurs mois avant Bill Haley et 2 ans avant Elvis Presley. Vous avez tout d'abord pu apprécier 3 compositions de Milt Buckner, Swinging in Paris, Feeling Sort of Willingen et cette délicate Gladys's Dance qu'il a composée pour son épouse. Puis ils ont enchaîné Stardust, le fameux standard d'Oggy Carmichael, avec ce numéro de haute voltige de Slam Stewart sur le thème Play Fiddle Play, avec des notes suraiguës dignes d'un violon. Ce fut ensuite au tour de Joe Jones de s'exprimer en solo sur I Found a New Chapeau, titre assez énigmatique, mais en français dans le texte, avant d'accueillir enfin Big Joe Turner, qui a entonné Hide and Seek, un blues que l'on doit à Paul Winley et Ethel Byrd, et qui fut suivi de 3 titres composés par Turner en collaboration avec le pianiste Pete Johnson, Wee Baby Blues, Rollin' Pete et Don't Talk to Me to Death, I Ain't Ready to Die, au milieu desquels s'était glissé Honey Hush, chanson dont Big Joe Turner a généreusement cédé le copyright et donc les droits d'auteur à sa femme Lou Willie Turner. Mais comme dirait l'autre, cela ne nous regarde pas. Les légendes du jazz, Jérôme Badini, France Musique. C'est le brillant ingénieur du son Jean Deloron qui a réalisé cette captation avec son équipe à l'époque pour l'ORTF. Un grand merci à lui et à nos partenaires de l'INA, à Christelle Rousseau, Marie Jaros et Annie Lozana qui ont conservé et documenté cet enregistrement, à Christophe Jolibois qui l'a restauré spécialement pour cette émission et à Marine Decamp qui a retrouvé le film de ce concert. Et notamment cet extrait dans lequel Big Joe Turner interprète Lowdown Dog Blues, que vous pourrez entendre demain dimanche, mais que vous pouvez voir dès maintenant sur notre site francemusique.fr à la rubrique Les légendes du jazz, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Un grand merci également à Emmanuel Lacaze pour notre site internet, justement, ainsi que nos vidéos et tous nos réseaux. À Philippe Mercher pour la prise de son et à David Jakubowiez pour la réalisation. À 19h sur France Musique, comme d'habitude, Nathalie Piollet est avec du très beau monde dans le Jazz Club. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Jérôme, on vous retrouve demain dès 18h comme d'habitude pour la suite des légendes du jazz, mais pour l'instant, on file en concert. Bonsoir à toutes et tous, ici Jazz Club depuis le New Morning à Paris. On est bien installés, bien accrochés, puisque tout de suite, nous allons prendre la direction des étoiles. We Want Stars, on veut des étoiles, c'est le titre du dernier disque de Sylvain Riflet, un saxophoniste et clarinettiste français, victoire du jazz en 2016, qui émerge dans les années 2000, un musicien qui a toujours défendu sa singularité. Les chemins tout tracés n'intéressent que très modérément notre Sylvain Riflet, qui nous a habitués à un renouvellement permanent. Chaque disque est un monde à lui tout seul, dans lequel il plonge entièrement. Il y met à chaque fois ses obsessions, ses passions, ses questionnements en cours. On l'a vu célébrer Moondog, On l'a vu célébrer son idole de toujours, le saxophoniste Stan Getz. On l'a vu célébrer l'amour courtois, les musiques médiévales. On l'a vu aussi dans ses disques inviter les musiciens qu'il aime, Verneri Pohjola, le trompettiste finlandais, Philippe Giordani. Chaque disque nous dévoile une partie de son âme. Et son âme, pour cet album, elle avait envie d'espace. Ces dernières années, Sylvain Riflet s'aventure dans des sonorités plus électro. Et dans cet album, pour ce disque, il a carrément monté un nouveau trio. Un trio sax, synthé, batterie, avec deux musiciens à l'esthétique plutôt pop. Bettina Key au clavier, qu'on connaît aussi sous le nom d'Ornette. Et Vincent Tégère à la batterie. Les trois musiciens sont connectés, en fusion, dans cette même énergie, cette même tension qui les a habités pendant l'enregistrement de l'album. Deux jours de studio, pas un de plus. Bienvenue dans le futur, bienvenue dans l'espace, le royaume du silence, le royaume de l'ombre, traversé par la musique, habité par le souffle limpide et virtuose du saxophone de Sylvain. C'est lui qui amène la lumière, qui éclaire comme une étoile. Sylvain Riflet, We Want Stars. Les lumières s'éteignent et la traversée commence très vite, très fort, très loin. c'était The Mojo. Eh oui, c'est important d'avoir le mojo quand on s'embarque pour un voyage parmi les étoiles. Sylvain Riflet et le projet We Want Stars au New Morning à Paris dans Jazz Club. We'll be right back. Il a de la poigne, il a du nerf ce morceau. Sylvain Riflet au saxophone, Vincent Taguer à la batterie et Bettina Key au clavier au pluriel. Elle a une pluie de claviers devant elle à côté. Merci beaucoup. À gauche, à droite. Merci d'être venu aussi nombreux à mon premier New Morning. Je suis très très heureux. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Parce qu'en fait, il faut que je vous dise un truc, c'est qu'il y a un disque que j'écoute, je pense, presque tous les jours depuis que je suis adolescent. Un peu plus qu'adolescent, parce que c'est une amie que j'ai rencontrée vers ma vingtaine qui m'a fait découvrir ce morceau. Et le disque commence comme ça, ça fait « Bonsoir, merci, nous voudrions jouer un morceau d'Antonio Carlos Jobim, Un grand amour. » Et après ça, Stan Getz joue un des plus beaux solos de l'histoire de sa discographie, voilà. Donc je suis très heureux d'être là. On veut des étoiles, pas des satellites. On est au New Morning dans Jazz Club avec Sylvain Riflet. un groove venu des profondeurs de l'espace. Sylvain Riflet, Vincent Tégeur, Bettina Key et le répertoire de ce disque We Want Stars, Nous Voulons des Étoiles, paru en 2024. C'est le premier New Morning de Sylvain Riflet, premier sous son nom. Il vient défendre ce répertoire sombre, dense et mystérieux. Bah oui, on est complètement dans les étoiles, nous, ce soir. On est au New Morning, à Paris, dans Jazz Club. Thank you. Il a pris sa clarinette, Sylvain Rifflet, pour ce morceau, ce Nada Casteldosa, qui est un morceau issu de cet album autour de l'amour courtois, autour des troubadours qui sortaient quelques années plus tôt et qu'il revisite ce soir en compagnie de ce nouveau trio. Merci. Riffologie, c'est le titre de ce morceau. C'est la science de Mr. Riffley au saxophone et aux pédales. Le fameux Bird's Lament du Viking de la 6e avenue de Moondog. Sylvain Riffley n'a jamais caché son admiration pour Moondog. Il lui a rendu hommage dans un album il y a quelques années avec le saxophoniste Johnny Rabagon. Et le Bird's Lament de Moondog, il le revisite ce soir sur la scène du New Morning dans une version totalement fraîche, totalement nouvelle, avec ce nouveau trio Vincent Tégère à la batterie et Bettina Key au clavier. Jazz Club, France Musique. C'était Mama Rourou, ça veut dire comme si, comme ça, en chinois, nous a expliqué Sylvain Rifflet à la clarinette dans ce morceau, avec un Shruti Box à ses côtés qu'il actionne avec une pédale à ses pieds. Il a plein de pédales du côté de ses pieds. Au New Morning à Paris, c'est Jazz Club. Thank you. Riffley, son saxophone entouré par les claviers de Bettina Key et la batterie de Vincent Tégère. C'était Back and Boom, et oui, parce que parmi les obsessions de Sylvain Riffley, il y a Bach, Jean-Sébastien Bach. Voilà Johann Mustallo, le trompettiste français, qui arrive sur scène. Le trio devient quartet. Thank you.